vois un singe affronter un lion, un terroriste avec des haillons, un clochard avec des millions, un employé qui passe des savons. Dans le fond, gagner, qui dit non? J'ai la pression sur un fatigué, un artiste en train de kicker, un justicier même pas broliqué. J'suis dans le bex, comment l'expliquer? Je trouve de quoi l'expliquer. Sanguinaire révolte, on va te kicker. C'est pas des blagues, man, ils sniffent le passage clouté. Pour mieux nager, man, cap vers la liberté. J'suis silencieux, attentif, comme ces chats, je cache mes griffes. Pose ton cul dans une monde des hauts, t'attendais pas que je l'écrive. J'ai tourné et tourné, la misère on l'a contourné. J'suis en maison d'arrêt, je compte le temps en journée. Suicidaire, bon anniversaire, c'est les voyages de Gulliver. De la fierté qui en a offert, combien l'ont remboursé? J'mets dans ma poche la même somme que tu dois rembourser. Pas le temps on est coursé, mais pas le temps de flancher. Qui en aura le droit? Qui en aura la peur? J'suis un russe qui dort dans le froid, et ça dit comme à sa douleur. J'suis un russe qui dort dans le froid, et ça dit comme à sa douleur. C'est un pression qui nous a choqués. Quand t'as sur un scooter, les reins bloqués. Je conduis pas ta vie, j'suis passager. Vite ton chargeur, comment tu fais? C'est pas des blagues, t'inquiète, je sais poser. Un 26 octobre, bien arrosé. Bien arrosé. Bien arrosé. Bien arrosé. C'est l'impression qui nous a choqués. Quand c'est sur un scooter, les reins bloqués. Je conduis pas ta vie, je suis passager. Vite ton chargeur, comment tu fais? C'est pas des blagues, t'inquiète, je sais poser. Un 26 octobre, bien arrosé. Bien arrosé.